L'humoriste Patrick Groulx est en tournée de rodage avec son nouveau spectacle. Il est maintenant rendu à nous rendre visite en Ontario. Il fait trois villes, Kingston, Alexandria et aujourd'hui, on a la chance de le voir à Barrie au Ferndale Banquet Hall. Patrick, salut. Comment ça va? Super bien. Comment t'as trouvé ton passage à Barrie aujourd'hui? Honnêtement, je ne vais pas être trop vulgaire, je suis un peu sur le cul. Ça a été vraiment extraordinaire. L'accueil, le public était en feu. J'ai adoré ça pour vrai. L'ambiance, c'est le fun. Il y a comme une ambiance cabaret ici, les tables rondes, tout ça. Non, ça a été vraiment, vraiment le fun. L'énergie dans le tapis. Ça doit faire, honnêtement, je l'ai dit en début de show, là, mais j'ai dit 20 ans, mais je pense que ça fait plus comme... Ça doit, non, peut-être ça à peu près. 20-22 ans que je suis pas venu faire un tour à Barrie. Fait que c'était cool de revenir ici. Ça fait près d'un an que tu commences à faire ton show de rodage. Oui. Es-tu rendu maintenant à la finition ou tu es encore sur le rough? Non, là, je suis sur la finition. Là, je suis encore en train... Tu sais, des fois, là, quand tu commences, là, tu essayes un nouveau numéro, là, tu coupes plein de jokes, tu gardes les meilleurs, tout ça. Puis une fois que tu as ça, bien, des fois, bien, tu enlèves un numéro au complet, tu le remplaces par un meilleur, puis tout ça. Là, mon show, il est placé. Là, je suis plus enlevé des gags puis remplacer des gags. Il y a un bout dans mon show que j'aimerais changer, parce que, tu sais, je parle beaucoup de mes enfants. Puis ça ne nuit pas trop, là, mais je me dis que des fois, de faire respirer le show un peu avec un nouveau numéro. J'en ai essayé un, d'ailleurs, ce soir que j'essayais pour la première fois, là, que je suis encore en train d'écrire. Mais fait que c'est ça, on fait des petits tests comme ça. J'essaie de faire le ménage là-dedans, mais ça ressemble à ça. Là. Le show va se ressembler beaucoup. Là. Puis en 5 ans d'absence, tu as passé beaucoup de temps là, avec tes enfants. Ouais. À quoi on doit s'attendre 5 ans après Patrick Groulx sur les planches? Écoute, un Patrick Groulx super heureux. Je pense qu'il y a... C'est drôle, hein? Je parle beaucoup du bonheur dans mon show. Puis notre, je dis que plus on vieillit, plus on est heureux. Puis je le pense vraiment. Fait que dans le show, mais toi, tu l'as vu, là. Mais tu sais, je décortique ce thème-là. Puis j'essaie de comprendre pourquoi qu'on est plus heureux en vieillissant. Puis j'explique dans le show, bien, peut-être que c'est parce qu'on se fout de ce que les autres pensent. Puis on se fout de tout en général, en fait. Fait que ça, je trouvais que c'était une belle façon de d'écrire des gags, puis j'aimais beaucoup ce thème-là. Je parle de plein d'affaires dans le show, mais je suis très content de revenir. La tournée va être différente aussi, de faire des plus petites places, puis des salles de 200, 300, 400 personnes en rodage. Me donner le goût de continuer aussi de faire des petites salles. On va en faire des grosses puis des grandes pareilles, mais de revenir, tu sais, je comprends pas pourquoi des fois on part en tournée, puis là, c'est comme le gros show, puis on met plus le pied dans les petites salles alors que c'est tellement le fun. Puis en même temps, ben c'est une bonne promo pour les grosses salles. Puis en tout cas, fait que je suis tout en train de penser à la tournée. Là. En 5 ans, qu'est-ce qui est de différent dans ton spectacle d'aujourd'hui? T'as fait de la TV, t'as fait Job de bras et tout ouais. Dans ma tête. Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus maintenant en tournée? D'avoir pris un peu de recul, puis tout ça, ça l'a aidé aussi, d'observer un peu ce qui se passe. Puis d'avoir, tu sais, je parle de bonheur, puis de mon âge, puis tout ça, de faire quelque chose qui me plaît moins, puis de quelque chose de vrai. Le show, il est un petit peu plus cru, mais je pense pas qu'il est vulgaire. Tu sais, il y a quelque chose de plus proche des gens aussi. Je me permets de m'amuser, de rire un peu plus. Tu sais, c'est moins... Je te dirais pas qu'il est moins appris que les autres, mais on sent moins l'espèce de structure, puis tout ça. Tu sais, j'avais envie du stand-up, là, vraiment pur ou raw, entre guillemets, là, pas cru, vulgaire, mais de quelque chose de plus brut, en fait. Même si je travaille super fort puis qu'il faut connaître les gags au corps de tour, il y a une légèreté là-dedans, il y a quelque chose de bien plus naturel, moi, en tout cas, qui me parle. Là. Tu disais, tu voulais être plus cru. Si on recule de 30 ans, je vais prendre un exemple de RBO, on pouvait ouais. Dire un peu n'importe quoi. Crois-tu que maintenant, en 2018, c'est plus difficile de faire de l'humour? C'est une bonne question. En fait, on peut pas en fait faire de l'humour comme on en faisait avant. Ça, c'est certain. Y a des thèmes, je pense, qu'on peut plus aborder. Il y a des choses dont on peut pas parler, puis c'est bien correct aussi. Il y a des choses, tu sais, dans le temps, on était plus cru, mais c'était complètement différent. Tu sais, des gags par rapport à l'homosexualité, des gros gags gras, des gags par rapport aux femmes, des gags racistes aussi, des trucs comme ça où on allait beaucoup trop loin, je pense. Puis c'est tant mieux si aujourd'hui, on va plus là, on n'a plus besoin d'aller là. Est-ce que c'est la société qui est rendue comme ça? On est rendu trop prude? Je pense pas qu'on est trop prude. Je pense que, tu sais, moi, j'ai des jokes plus crus dans mon show puis tout ça, puis j'ai pas besoin d'être raciste pour être drôle. On n'a pas besoin d'aller là, tu sais. On n'est plus là, en fait. Je pense qu'en même temps, c'est un danger, ça. Peut-être qu'effectivement, faut pas non plus devenir trop prude. Puis c'est donc, j'entendais à un moment donné un stand-up américain dire que lui, il faisait plus de spectacle dans les universités. Parce qu'il disait que la nouvelle génération, ils rient pas, ils font juste des « oh, oh, oh ». Fait que, tu sais, l'espèce de deuxième degré aussi, puis cette espèce, ça peut être dangereux par contre, tu sais. Mais l'humour est en train de changer, c'est sûr. L'humour a énormément changé, je trouve, dans les trois dernières années, là. En terminant, si on veut te suivre, t'écouter, on fait comment? Ben là, vous pouvez aller voir sur mon site Internet, mes réseaux sociaux, vous allez avoir les dates de mes spectacles et tout ça. Je pars en tournée. Je suis encore en tournée de rodage. Le show officiel sort en février. Puis sinon, ben, je vais animer un nouveau show à vie qui va s'appeler Maître du chantier. Je commence à tourner bientôt. Ça va être en onde hiver 2019, pardon, l'hiver prochain. Fait que ça risque d'être bien cool aussi, là. On vient de s'entretenir avec l'humoriste Patrick Groulx qui est en tournée de rodage en Ontario et au Québec. Je te souhaite beaucoup de succès, puis merde! Hey, t'es fin! Merci! Merci à toi!